Yakuza gang. Kakus gang. Bricky, Bricky. Si t'as niqué un maton, je te félicite. Monte son étour jusqu'à Félicie. Les keufs n'ont rien à faire ici. Pour rentrer, ils demandent la permission. La permission de mettre les pieds. Dans mon train de vie, je crois que j'ai perdu le quai. Même Jacqueline, si t'as pas de loquet, j'ai niqué ta mère, tu vas faire des loquis. H24 avec une galoxée. Elle me trouve beau qu'elle veut me saucer. Elle me trouve beau qu'elle veut me sucer. Je vais ce qu'il a gérable, les bonnes, les soucis. De nous tête, tu n'as pas intérêt. Sur le raté gros, y'a pas d'intérim. Tu veux nous carna, on va t'enterrer. A chacun de mes sons, ils trouvent ça terrible. Je suis au courant de tout ce qui se passe. Je sais ce que t'as fait, ce que tu n'as pas fait. Je détaille puis je tasse, et les petits je les fais taffer. Je charge la mallette, le poteau qui m'a l'air. Direct je m'arrête, je pense qu'à me marrer. Soit fait le pari, tu vends pas de pari. N'est que t'es connu seulement pour être un attardé. Demande à Byron, j'en suis pas en tant que. Trouve que j'ai raison même avec du recul. Tu me fais des avances, t'es pas belle de gros cul. Nique la France, nique mon ex, c'est son gros cul. Nique la France, nique mon ex, c'est son gros cul. J'ai de la chance, on n'a pas le même vécu. J'ai de la chance, on n'a pas le même vécu. Ne fais pas confiance, ne confie pas tes écus. Je pèse la concurrence sans hésitation. Contrôle de police, grosse agitation. Je suis tout jeune, mes refs, pas d'explication. Tatus Yakuza, faut faire attention. On roule, bonne loge, ben belle, et qui tu t'arrêtes. Mais pas la cour, ne broye à vie des tarés. Ça marche au tête si tu payes pas le tarot. Ouais. Ou si tu voles des barres, sur les mèches de ta sœur, elle a la calvitie. Sur le corps, je m'en banane comme Alvesto. À la cité, y'a les keufs qui sont Alvesto. H4, tu m'as bien vu dans mon vaisseau. J'ai mon talent à Trevor, donc pourquoi tu t'agites. On te baisse ta rose, peu importe où t'habites. Arrivé à l'hôtel, elle veut le ou la bite. 4-9-320, c'est bien là que j'habite. Ouais. Et demande où vient mon aspiration. On a codé. Imagination, ramène dans tout check, légalisation. Je représente les keufs, protège ma nation. Je représente la queue, je protège ma nation. Bâti mon empire comme ma formation. Bâti mon empire comme ma formation. Pas connaît 4000, équipe en fusion. Ils demandent où vient mon inspiration. Froid à côté d'une imagination. Ramène dans tout check, légalisation. Je représente les keufs, protège ma nation. Je représente la queue, protège ma nation. Bâti mon empire comme ma formation. Bâti mon empire comme ma formation. Pas connaît 4000, équipe en fusion. T'as pas régressé, c'est moi qui ai progressé. En face de punchline, tu te sens agressé. Mon gars, que chez les lois, faut toutes les transgresser. Et du vélo, des engraissés dans sa foi imprenable, il me trouve abominable. Après tu lances déjà inatteignable, force indéterminable. Les autres j'y trouve minable. Devant le Seigneur, est-ce que je serai pardonnable? Qualité du but, c'est la vigilance. Dans une ambulance, finis ses balances. Petit conseil, jamais se fier aux apparences. On envoie du lourd, ils n'ont pas de compétences. On envoie du lourd, ils n'ont pas de compétences. L'ordre irrévocable sera la sentence. On fait pas d'assistance, négro, prends tes distances. Mon reste dans le revêt, en toutes circonstances. Aski dans le retour, c'est la canicule. Fais danser le V à bord du véhicule. Ils veulent blesser, mais bizarrement, ils gesticulent. Compare à Bangoré, sommet de testicules. Vise la tête et non la clavicule. Sous ton boss RH composé, mon matricule. Ce son ira direct jusqu'à tes auricules. C'est quoi, je suis le pont qui est près du recul. Cherche pas où tu seras comme un duel. Notre esprit, il est très criminel. On n'est pas des keufs, on vous contrôle. La concune n'a rien d'exceptionnel. Mais comment veux-tu que je te respecte? Si toi-même tu n'es pas respectable. Nous recaille, côté incapable. Où la tête, je peux pas s'en mémorable. On sait que t'es pas fou, donc fais pas le fou. Le tarpé est bien dans ta chez vous. Les mains en l'air, tu te mets à genoux. Tes oies, ils ont poids, ils ont couru. Ils ont perdu l'enfer de Yoku. Ils ont perdu l'enfer de Yoku. 4 kills number one, fuck les jaloux. Attends, peut-être comment je gère la gestion. Flow des steaks, je fais mon tab. DNE, oui je m'en tape. Oui je les craille comme un pape. Qu'est-ce qu'il y a, petit frappe. C'est pas la guerre avec nous. Où t'auras l'œil à petit voir. J'en place une à tous mes gars. Balti, Mino et Yoka. Ils demandent où vient mon aspiration. Je prends la codéine, imagination. Rafale dans tout check, légalisation. Je représente les keufs, je protège ma nation. Je représente la queue, je protège ma nation. Je bâtis mon empire comme un franc-maçon. Je bâtis mon empire comme un franc-maçon. Pas connaît 4000, équipe en fusion. Ils demandent où vient mon aspiration. Je prends la codéine, imagination. Rafale dans tout check, légalisation. Je représente les keufs, je protège ma nation. Je représente la queue, je protège ma nation. Je bâtis mon empire comme un franc-maçon. Je bâtis mon empire comme un franc-maçon. Pas connaît 4000, équipe en fusion. Cassage de carreaux pisté par les Nico, c'est bourbier, faut décaler. Il veut jouer, on va jouer, on joue pour gagner. Nous, y'a pas de match amical. Tu descends, ça rafale, ça rafale, ça rafale et ça repart peinard. Cette salope à l'avaler, l'avaler, l'avaler, elle en veut encore. Elle en veut encore. Sous coupe, blanchard comme Pablo, débrouillard comme Bresson au charbon, nous allons. Et pour tout baisato, t'es costaud, c'est bien beau. Bérita sur ta tente, tu as dansé à Zanto. Pour eux, t'es un chaud devant nous, t'es un glaçon. Garde la malade devant les gens, j'vois pas la raison. Sims au dealer, mon gars, y'a flavant, nous faisons. Moi, j'fuck monsieur l'agent, ils sont modération. Y'a vélo, donc le blanc, on va les labourer. T'es sorti du placard, pourquoi j'vais t'honorer? On est en guerre, pourquoi tu veux collaborer? Toi et ton équipe vous êtes là pour découvrir. La monnaie Yakuza tu peux adorer. Les billets sont tous colorés. J'ai vendu de là c'est plus blanc que ton bourré. J'ai vendu de là c'est plus blanc que ton bourré. 9 mm ils se sont évaporés. Mets-le dans le coffre on le teste dans la peau. décoré. Ma chérie, mais amoré devant l'OP, j'ai intérêt à ignorer. On parle pas beaucoup, nous on casse tes couches. On te nique ta mère, si on voit que t'es louche. Ma bite dans ta bouche, ma bite dans ta bouche. Je fais ça au balance, pour pas qu'ils accouchent. Tu peux demander à mon gars Baldi, c'est ouais sur le terrain. Ça vite à l'édifice, je vais ces fils depuis du premier d'office. Qui nous balance dans le dos à la justice. Y'a pas de cliché, y'a pas de cliché. Si t'as un problème, viens on va se quicher. Y'a que des gris qui sont attachés. Une seule patate suffit, demande à cliché. Il demande où vient mon aspiration. Je prends un code de hymne, imagination. Avant dans ton check, c'est égalisation. Je représente le cap, je protège ma nation. Je représente la queue, je protège ma nation. Je bâtis mon empire comme ma franc-maçon. Je bâtis mon empire comme ma franc-maçon. Pas abonné 4000, c'est qui confusion. Il demande où vient mon aspiration. Je prends un code de hymne, imagination. Avant dans ton check, égalisation. Je